Oh, ma femme, approchez. Qu'avez-vous, mon pauvre mari? Oh, venez-vous-en ici à mon secours. Mais qu'est-ce que c'est donc qu'il y a, mon petit fils? Mamie. Mon ami. On vient de me mettre en colère. Hélas, pauvre petit mari. Oh. Mais comment donc, mon ami? Votre coquine de toilette est devenue plus insolente que jamais. Ne vous passionnez donc point. Elle m'a fait enrager, mamie. Doucement, mon fils. Elle a contrecarré une heure durant les choses que je veux faire. Là, là, là, tout doux. Elle a eu l'effronterie de me dire que je ne suis pas malade. Oh, c'est une impertinente. Vous savez, mon cœur, ce qui en est. Mais oui, mon cœur, elle a tort. Oh, m'amour, cette coquine-là me fera mourir. Elle est cause de toute la bile que je fais. Ne vous fâchez point tant. Il y a je ne sais combien que je vous dis de me la chasser. Mon Dieu, mon fils, il n'y a point de serviteurs et de servantes qui n'aient leurs défauts. Oh. On est contraint parfois de souffrir leurs mauvaises qualités à cause des bonnes. Mmh. Celle-ci est adroite, soigneuse, diligente et surtout fidèle. Ouf. Et vous savez qu'il faut maintenant de grandes précautions pour les gens que l'on prend. Hola, Toinette. Madame. Pourquoi donc est-ce que vous mettez mon mari en colère? Moi, madame? Hélas, je ne sais pas ce que vous voulez dire et je ne songe qu'à complaire à monsieur en toute chose. Oh, la traîtresse! Il nous a dit qu'il voulait donner sa fille en mariage au fils de monsieur Diafarus. Je lui ai répondu que je trouvais le parti avantageux pour elle, mais que je croyais qu'il ferait mieux de la mettre dans un couvent. Il n'y a pas grand mal à cela. Et je trouve qu'elle a raison. Oh, maman, vous la croyez? C'est une scélérate, elle m'a dit sans insolence. Bien, là, je vous crois, mon ami. Oh. Là, là, remettez-vous. Écoutez, Toinette, si vous fâchez jamais mon mari, je vous mettrai dehors. Ça, donnez-moi son manteau fourré et des oreillers, que je l'accommode dans sa chaise. Mmh. Là, oh, voyons, mmh. Voilà je ne sais comment. Oh. Enfoncez bien votre bonnet jusque sur vos oreilles. Mmh. Il n'y a rien qui enrhume tant que de prendre l'air par les oreilles. Mmh. Oh, mamie, que je vous suis obligée de tous les soins que vous prenez de moi. Levez-vous, que je mette ceci sous vous. Là, mettons cet oreiller, voulez-vous, pour s'appuyer. Là, là, et celui-là, de l'autre côté. Là, mettons celui-ci derrière votre dos. Mmh. Et cet autre-là, là, pour soutenir votre tête. Celui-ci, pour vous garder du serein. Oh, oh, coquine, coquine, tu veux m'étouffer? Et là, et là, et là, mais qu'est-ce que c'est donc? Oh, je n'en puis plus. Mais pourquoi vous emportez ainsi? Elle a cru bien faire. Vous ne connaissez pas, m'amour, la malice de la pandarde. Oh, elle m'a mis tout hors de moi. Et il faudra plus de 8 médecines et 12 lavements pour réparer tout ceci. Oh là là, mon petit ami. Non, pesez-vous un peu. Mamie, vous êtes toute ma consolation. Pauvre petit fils. Pour tâcher de reconnaître l'amour que vous me portez, je veux, mon cœur, comme je vous ai dit, faire mon testament. Oh, mon ami, ne parlons point de cela, je vous prie. Je ne saurais souffrir cette pensée. Et le seul mot de testament me fait tressaillir de douleur. Je vous avais dit de parler pour cela à votre notaire. Le voilà, là-dedans. Je l'ai amené avec moi. Faites-le donc entrer, m'amour. Hélas, mon ami, quand on aime bien un mari... Ah, on est guère en état de songer à tout cela.